Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouvons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui, donc des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous fais découvrir Stanley Miller et pourquoi nous n'en avons pas encore entendu parler. Ben, il faut dire que les travaux scientifiques de Miller ont connu quand même du succès durant les années 1950. Aux États-Unis surtout. À l'époque, ces travaux-là avaient quand même été médiatisés, mais ils sont tombés un peu dans l'oubli depuis, surtout à l'extérieur des États-Unis. Et c'est bien dommage car Miller a jeté les bases d'une nouvelle discipline qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie des précurseurs de la vie sur Terre. D'accord, j'imagine que tu vas revenir là-dessus, mais d'abord, commence donc par nous dire qui était Stanley Miller. Alors, Stanley Miller était un biologiste américain né à Oakland, en Californie, en 1930. Et dans la jeune vingtaine, il va entreprendre son doctorat à l'Université de Chicago sous la supervision du professeur Harold Urey, qui est déjà à cette époque, au fond, une sommité dans le domaine de la chimie, parce que Urey s'était vu attribuer le prix Nobel de chimie en 1934 pour la découverte du deutérium, qui est l'isotope lourd de l'hydrogène. Et cette découverte-là aura d'ailleurs de nombreuses répercussions dans plusieurs domaines techniques et scientifiques, comme par exemple l'énergie nucléaire ou l'étude des eaux souterraines, par exemple. Mais revenons à Miller au début des années 50. Une des grandes questions scientifiques à cette époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est celle de l'origine de la vie sur Terre. Quand et surtout comment les premières formes de vie sont apparues à la surface du globe? Bonne question. Ben oui, par quel moyen, par quel processus? Est-ce que la vie, par exemple, est apparue directement sur Terre ou est-ce qu'elle a été apportée de l'espace par les météorites? Une autre hypothèse. Alors Miller va s'attaquer à cette grande question-là en recréant littéralement en laboratoire les conditions chimiques de la Terre primitive et l'apparition des premières molécules organiques. C'est donc avec cette expérience qu'on a appelée l'expérience de Miller-Urey qu'il va se faire un nom dans le domaine scientifique. Il va d'ailleurs terminer sa carrière comme professeur à l'Université de Californie à San Diego jusqu'à sa mort en 2007. Alors, remets-nous dans le contexte scientifique à l'époque où Miller a réalisé sa fameuse expérience. Alors, Miller et son superviseur de doctorat, Urey, s'intéressent tous les deux à une idée assez audacieuse proposée près de 30 ans auparavant par un biochimiste soviétique du nom d'Alexandre, un autre Alexandre, Oparine. En 1924, dans un ouvrage intitulé justement « L'origine de la vie », Oparine avait émis l'hypothèse qu'à l'origine de la Terre, il y a donc 4,55 milliards d'années, les composés chimiques présents dans l'atmosphère avaient pu réagir pour former les premières molécules essentielles à la vie. Ces composés gazeux, comme le méthane, l'ammoniac, la vapeur d'eau, auraient été décomposés par le rayonnement ultraviolet du soleil et les éclairs pour se réorganiser en molécules organiques plus complexes comme les sucres, les acides aminés, par exemple. Et c'est l'idée purement spéculative à l'époque qu'on a surnommée la soupe primitive ou soupe primordiale, où des molécules organiques complexes auraient pu se former à la suite de réactions chimiques entre des composés gazeux beaucoup plus simples, comme le méthane, CH4, et l'ammoniac, NH3. Mais dis-moi, Frédéric, là, tu nous parles d'ammoniac, de méthane dans l'atmosphère terrestre, mais ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui dans l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas ce qu'on respire, en tout cas. Donc, pourquoi cette différence? En effet, l'atmosphère terrestre d'aujourd'hui contient dans l'ordre de l'azote, près de 80%, de l'oxygène, donc qui est très important pour nous, près de 19%, de l'argon, un gaz rare, en bas d'1%, et quelques gaz dont le total ne dépasse pas finalement quelques fractions d'1%, comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, etc. On pourrait dire que le plus surprenant, finalement, c'est que l'oxygène dont nous avons tant besoin pour vivre aujourd'hui n'est présent à la surface de la Terre que depuis les 2 derniers milliards d'années seulement, soit à peine la moitié de la durée de vie de la Terre, qui est plus que le double que ça. Donc, les responsables de l'apparition de l'oxygène à la surface de la Terre sont les cyanobactéries qui ont été les premières à faire de la photosynthèse il y a presque 3 milliards d'années. Et à cette époque-là, l'oxygène était donc un déchet de la photosynthèse, finalement, en plus d'un produit très nocif pour les organismes vivants qui n'avaient pas encore appris à l'intégrer dans leur métabolisme. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive avec la matière organique Puis la plupart des métaux en présence d'oxygène, ça se dégrade, ça se décompose, ça rouille. C'est vrai. Mais au début de l'évolution de la Terre, il y a 4 milliards et demi d'années, l'oxygène n'était pas encore apparu. Donc l'atmosphère terrestre contenait les composés chimiques dont nous venons de parler, c'est-à-dire méthane, ammoniac, vapeur d'eau, hydrogène. Et Stanley Miller, entreprend en 1953 de tester l'hypothèse audacieuse d'oparine, selon laquelle les molécules organiques à la base de la vie, comme les acides aminés, ont pu émerger dans ces conditions chimiques très particulières. Alors, comment il a fait ça? En quoi consistait finalement son appareillage pour tester cette hypothèse d'oparine? Ça ressemblait à quoi? Donc, on peut s'imaginer... le principe de base était assez simple finalement. Il faut s'imaginer une série de ballons en verre reliés par des tubes en verre aussi. Le tout en circuit fermé et parfaitement stérile. Donc, dans un premier ballon de verre, Miller va faire lentement bouillir de l'eau pour obtenir de la vapeur d'eau, un des premiers composés chimiques. Puis, il va ajouter les composés gazeux de l'atmosphère terrestre primitive, c'est-à-dire méthane, ammoniac, hydrogène gazeux, qui étaient, on le pense, crachés par les éruptions volcaniques à cette époque-là. Et le tout va se mélanger, passer dans un autre ballon de verre où Miller va simuler les éclairs à l'aide d'électrodes qui produisent des étincelles. Mmh. Et puis enfin, un système pour refroidir les vapeurs produites va permettre de condenser tout ça sous la forme de liquide qui va retourner à l'origine dans le premier ballon de verre, donc boucler le circuit. Avec cette dernière partie, d'ailleurs, du circuit transformant les gaz en liquide, Miller simulait donc les précipitations et ultimement les océans primitifs, la fameuse soupe primitive d'oparine. Or, après une semaine seulement d'expérimentation, et c'est là que ça devient intéressant, Miller s'est aperçu que son liquide clair du début avait progressivement changé de couleur, devenant brun foncé. Et c'est en analysant le liquide qu'il a démontré l'existence de nouvelles molécules dans les composés, dont les acides aminés qui sont à la base de la formation des protéines essentielles à la vie. Nous y voilà. Il s'agissait donc d'une découverte majeure. Finalement, les pièces de base ou les briques élémentaires nécessaires à l'assemblage des cellules biologiques pouvaient résulter d'une série de réactions chimiques à partir de molécules gazeuses assez simples, abondantes lors de la formation de la Terre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté scientifique quand ils ont vu ces résultats? Ça a quand même dû être une sorte de stupeur? Bien, c'était des résultats assez stupéfiants, effectivement. Il y a des critiques qui vont être formulées, comme toute la communauté scientifique aime le faire, donc confronter les idées. Il y avait des critiques qui portaient notamment sur les conditions très étroites, très précises de température ou les fortes concentrations nécessaires au déroulement des réactions chimiques simulées en laboratoire. Mais on peut dire que dans l'ensemble, les résultats de l'expérience de Miller-Urey vont générer un engouement certain, d'abord dans la communauté scientifique et aussi après, même chez le grand public, à cause de la portée finalement universelle des questions auxquelles s'attardait à l'origine de la vie. C'est quand même une des grandes questions. Et par la suite, plusieurs équipes de recherche vont se lancer dans le même genre d'expérimentation et vont finalement confirmer les résultats de Miller-Urey. Et les bases, finalement, d'une nouvelle discipline scientifique venaient d'être jetées, c'est-à-dire la chimie prébiotique, la chimie des molécules juste avant la vie, ces fameuses molécules qui ont servi à fabriquer la vie. On a découvert dans cette fameuse soupe primitive des molécules organiques qui constituent aujourd'hui la base de la matière vivante. Par exemple, acides aminés, j'en ai parlé, glucose, formaldéhyde et plusieurs autres molécules essentielles à la formation du contenu génétique, finalement, de l'ADN. En conclusion, on pourrait dire que Stanley Miller n'a pas vraiment recréé la vie en laboratoire, mais il a réussi à recréer certaines molécules essentielles à la vie. Son expérience a démontré pour la première fois qu'il était possible de passer de l'inorganique à l'organique en remontant le temps jusqu'à il y a plus de, finalement, 4 milliards d'années. Ben, on va tâcher de se souvenir de ce Stanley Miller qui a ouvert la voie à la chimie prébiotique. Et il faut se souvenir aussi que si on entrevoit comment des molécules inorganiques se sont assemblées pour former des molécules organiques, mais on ne sait toujours pas comment ces molécules organiques se sont assemblées pour former des êtres vivants. C'est toujours une grande question. Histoire à suivre. Oui, à suivre. Merci Frédéric. Pas de quoi.